Je suis passé par là, mais chacun vit dans son décor comme un ballon prisonnier. T'as vu, tu vois où commence la Dordogne ici, au Sancy, sur l'air de repos, de mur à l'équerre, apparemment, après avoir écouté une chouette ou un hibou, peut-être un grand-duc, et lui avoir répondu, j'ai dormi, puis me réveiller. À l'évidence, j'ai pu redormir et recommencer. Bon, il fait nuit, tant pis, on y va. Tu continues, tu survoles la Dordogne à ta droite, la Bourboule. Puis voilà, le Mont d'Or et ses rues sens unique. Et tu continues la montée. À la neige, il y a de la neige. À la neige, ouais, il y a de la neige et il pleut. Ouais, il pleut. Ce coup-ci, nous sommes le 7 février à 7 heures de cette année. Il pleut. Alors que hier, ça allait. Vais-je payer un forfait pour me tremper, me geler, les doigts trempés, les pieds aussi qu'ainsi, et puis rien y voir, non, rien y voir de la journée. Un brouillard, en haut, c'est pire. Après être le seul dans le téléphérique, il y a eu un putain de vent, ouais. Oh, mon gars. Ah ouais, il y a un putain de vent. Tu m'étonnes, ça tanguait, ouais. Oh là là, raconte pas. Enfin bref, j'y suis. Donc maintenant, on va pas redescendre, on va pas reprendre le téléphérique pour redescendre, t'es rigole ou quoi? J'y vois pas à 3 mètres. Ouais. Là, c'est de la neige. Ouais. En descendant, c'est des grêlons. C'est comme des aiguilles qui te piquent les joues. Et puis voilà quoi. Les joues, le front, là, juste autour des lunettes. Bon, au mieux des lunettes quand même. Parce que là, sinon, c'est même pas la peine. Voilà. Puis voilà, en descendant un peu plus bas, là, c'est de l'eau. Hein. Ça a arrêté quand même un peu l'après-midi. Sur le télésiège, là. C'était le pire, ça tanguait. La pluie, le vent, on voit pas où on va. Dessous soi, dessus soi, en face de soi, derrière, sur les côtés, on n'y voit rien. On n'y voyait rien. Et enfin, vers 16h, tout s'est dégagé quand même. On voyait le sommet, on voyait même les sommets, et même jusqu'au Mont d'Or là-bas, on voyait la ville. Et ouais, allez. Ah ouais. Alors j'ai pris Mathusalem. Attention les gars, première fois, mais pour tester, mais là c'était bizarre parce que quand t'es dans le brouillard toute la journée et d'un seul coup t'arrives et que tu vois le fond, c'est trou. Donc, c'est tout plat au début. On se dit, waouh, si c'est ça, ça va aller, quoi. Pour une fois, On va la tester, mais... T'inquiète, là. Ça va être peinard si c'est comme ça. Putain, sans brouillard, ah oui merde, ça descend avec les gourmands des arbres, enfin. Sacrée journée. J'ai les pieds trempés et les gants sont pareils. Je vais voir auquel il est à la billetterie 16h36. Allez, une dernière. Un petit dernier sommet par le téléphérique et à chaque fois j'y suis, c'est le brouillard. Et voilà, le temps d'attendre 15 minutes pour remonter là-haut et ça y est, le brouillard est arrivé. Bon, on fait pas comme on veut. On fait pas comme ce matin non plus. Ah, pas comme ce matin. On fait pas comme ce matin, on fait pas comme ce matin, à pas savoir où on va, car là, ça commence à geler, se casser la gueule, ouais, la faut pas, non, comme ce matin, la faut pas, les mains devant le visage, et là, je descends, ou je monte. Je sais pas, j'entends que le glissement de la planche sur la glace, puis c'est plat du côté avant le ravin à gauche. Alors je marche seul dans le brouillard épais, je suis les jalons, si je les vois, il y a du vent, et il y a du vent, il pleut plus. Où il pleut pas. On pourrait s'asseoir, ouais, sur les piquets. Enfin, les piquets, normalement, c'est les barrières, mais là, comme la neige est en haut des barrières, pas comme l'été, que toi, t'es au fond, et ça, c'est à 2 mètres d'en haut. Là, tu t'assois dessus, t'attends un peu, tranquille. On est dans le brouillard, peinard, y'a personne. Ouais. On pourrait s'allonger même et s'endormir. Là, je parle à haute voix. Eh oui. Et bon, il n'y a personne. Alors, que je sois ici ou ailleurs, c'est pareil. Je finis seul. Ouais. Bon, enfin, t'as descendu. T'as pris ton temps. T'as regardé tout ça et tu dis pourquoi pas, je ne suis pas là que pour regarder, aussi profiter peut-être. Je me suis changé, un peu enlevé, le mouillé et puis aller. Je suis passé là, je suis passé par là, je suis passé par là, je suis passé par le col de la Croix, mourant 1401 mètres, un parking, un restaurant ou un truc comme ça. Et la route, ses zigzags et murs de neige sur les côtés. Les gars, ils bombent quand même sur ces petites routes, ils connaissent ou je sais pas. Je suis passé par là et je suis passé après, en redescendant sur ma droite, un genre de puits, pas un puits pour l'eau, hein. Un col, un puits, on dit comme ça là-bas. Et après, on voit qu'il y avait les nuages sur le haut, tu vois, où il y avait le col de la Croix-Morant. Là, les nuages étaient dessus, même sur le Sancy, là-bas. Et puis là, après, on voit, loin. Et je suis passé par là et après n'avoir rien vu de la journée quand t'en vois le dénivelé et le loin, ça fait impression. Et je continue par bombe le froid. Ça s'appelle comme ça. Et puis après, il y a même le lac Chambon, c'est ça ? Le plus bas là. Et puis après, on voit au loin, entre Issoire et Clermont, en gros, je pense, peut-être même un peu plus bas qu'Issoire, je ne sais pas trop. Je pense que c'est ça. Et ça doit être les monts. Là-bas, au loin, qu'on voit à l'horizon du livre Adol. Là-bas de. Comment y arriver, comment du livre Adol. Voilà. C'est bien. Voilà. Ouais. Est-ce que ça se prononce comme ça? J'en sais rien. Mais en tout cas. Est-ce voilà. que ça se. Hein oui, allez. Ouais. Mmh. Je vois. Oh, le panneau marqué, sols et le froid. Ça doit être les lumières, juste là-bas. La nuit commence à tomber, là, et là... Allez, on traverse ça. On va bien voir où ça retombe, mais bon... Vers Orcival, je pense, j'espère. On va couper, j'ai pas la carte, j'ai rien. Les prés sont secs, l'herbe est... L'herbe, elle est sèche. Ouais. Il n'y a que les tigeons, là, comment ça s'appelle, ces herbes-là. Je ne sais plus. Les genêts, hein, c'est pas ça. Les murs de neige sont remplacés là, par le grillage, hein, à ras la route, et le dénivelé, là, tu es juste direct derrière. Ça fait bizarre. Hein. On continue vers le lac Servières, là, voilà. Servières et la forêt, comment elle s'appelle, je sais plus comment c'est son nom. On voit qu'il fait quasiment nuit maintenant, ouais. Alors tiens, oh là là, attention les roches, c'est comment, Tuilière et Sanadoire. Oh, demi-tour. C'est pas par là, on va pas retourner au Mont-d'Or, c'est pas la peine. Demi-tour, c'est la route juste là, voilà, et qu'il faut prendre. Ouais, je suis passé par là, ouais, je suis passé par là. T'as une ferme, en descendant là, un tracteur, il doit donner aux vaches ou un truc comme ça. Et puis après, je suis passé par là, allez, à gauche là-haut, un genre de parking, voilà, c'est ici là. On y va, hein? Je suis trop con, hein. Je suis nul, hein. Mais bon, c'est marrant, comment ça s'appelle déjà là, mince, j'ai pas le panneau, ah oh, putain, j'ai pas vu, bon, on regardera le nom du panneau juste après, là, quand on reviendra, quand on repasse, là, si je le vois, ben c'est bien, hein. Ouais. Mais c'est bien dégâché la route, ouais, surtout ouais, pour une petite route comme ça, putain, des murs de neige quand même, hein. Faut pas se croiser parce que là, faut faire marche arrière et voilà quoi, y a pas la place là, hein. Et s'il y est, hein, qu'est-ce que tu dis, comme un con là, ouais. Bon, enfin, allez, on continue, bon, on continue, on va pas... Hein, maintenant, sinon on va pas faire marche arrière. Là. T'es, regarde, à part le Vélux, la lumière, il y a même un lampadaire, c'est pour dire. Bon, allez, hésitation, excitation, bon. Voilà. Allez, hop, on y va. Il fait nuit, demi-tour. Et d'abord, qu'est-ce que tu peux faire, hein? Bon, alors. Ça me fait juste plaisir d'y avoir passé. Allez, on y va. Allez, enfin, voilà. On y va. Mais on, qui c'est singulier, on, c'est je. En fait. Hein, pourquoi tu dis t'étais combien, t'étais avec qui, hein? Qui? On te dit qui? Avec qui? Mais t'étais avec qui? T'étais combien? Putain, ça fait. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est je tue il, elle, on. Nous, vous, il, elle, avec des S, c'est la fin. Voilà quoi. Et j'en pense qu'on est deux quand on est un. Là, c'est bizarre. On. Ben, on n'a pas le droit de dire on. Ah, on, même si je suis seul. Non, mais alors. Voilà quoi. Bon, enfin. Ça fait deux fois que je passe par ici. Que je passe par là. Peut-être une troisième fois. D'ailleurs, je vais pas regarder la pancarte là. C'était comment que ça s'appelait. Bon, tant pis, allez. On continue, on continue. Ben, la troisième fois, oui, que si on repasse par là, parce que là sur la carte est marqué la roche branlante. Ben, la roche branlante, faudrait que ce coup-ci, que je la trouve, quoi. Voilà. Mais bon, là il fait nuit maintenant, que tu veux faire, on la verra pas d'abord. Alors. Là je peux pas la voir, sauf les éoliennes, oui, et qui clignotent là-bas vers le nord et vers le sud aussi, on les a vus tout à l'heure, des deux côtés, et on a d'ailleurs il y a 10 ans il n'y en avait pas là, hein. Et voilà, ouais, j'en ai eu, ça clignotait rouge, tic. Voilà. C'est bien simple. Oh, je sais pas. Enfin, c'est mieux que le nucléaire quand même. Ça, c'est un point de vue aussi. Bon, allez, direction Rochefort-Montagne, parce qu'on va pas passer par Orcival. On peut passer à côté. Allez, hop, Rochefort-Montagne. Putain! C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel là? Je rentre dedans à Rochefort-Montagne, il y a un panneau qui m'indique Rochefort-Montagne encore. 0,5 km. Donc t'es dedans, bordel, je comprends pas. Ouais, là, on y est et on y est pas. Ouais, j'ai rien compris là. C'est quoi ça? Mais là, ça y est, ah oui, d'accord, là je vois. Maintenant on y est. Et c'est quoi ce pont là bizarre là? C'est bizarre, oui. Non, mais c'est qu'on remonte dessus. Alors, mais on va pas remonter dessus. Non, mais c'est pas la direction. Là, sinon, on va retourner vers Clermont. Non. Hop, là. Ah oui, mais c'est bizarre. Bon, allez, hop. Allez, je continue. L'accueil, direction l'accueil. Ça y est, hop, l'accueil. Voilà. Puis on descend là. Hop. Ça y est, voilà. C'est pas. Hey, c'est par là qu'on est arrivé. Et là, je reconnais, là, maintenant, c'est bon. Je connais, là, on passe sur les rails de chemin de fer, à l'accueil gaz, et c'est parti, on est passé par là, et on passe par là, allez, on rentre, et ben là, on arrive au rond-point, là, alors, direction, on est sur la route, vous allez voir quoi, il y a des travaux sur la N89 à Ussel, enfin, il y a marqué 1089, il y a marqué A89, donc ça c'est l'autoroute, et sinon la 1089 en fait c'est la N89 quoi, et je sais pas pourquoi il y a marqué 10, enfin bref. 1089, voilà, bon non, bref, et celle-là elle va jusqu'à Bordeaux quand même, hein. Faut bien se le dire, mais ouais, Bordeaux, machin, qu'est-ce qu'il y a de ça passe, tu là, tu vois quoi, enfin bref. Enfin, je suis passé là, enfin, en avant, je m'arrête là, parce que ça fait bien une heure et demie, pour retour, on a fait tout le tour, du truc là, voilà, donc là, on va s'arrêter à Bourg-Lastic, là, à droite, sur le parking là, du magasin, et hop, et la lumière, hop, d'ailleurs, je sais pas si c'est la neige qui colle ou je sais pas quoi sur les bavettes et que ça touche le pneu, non? Non. Bon, il n'y a rien en fait. Alors, ben, laisse tomber. Là, il y a des gonzesses qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais c'est qu'elle est en panne, hein, d'accord. Notre LED, hein, mais bon. Oui, bon, mais. Non, mais qu'est-ce que je fais? Bah, bon, les gros. Non, mais non, mais il y a le son gars qui arrive. Hein. Bon, alors, il va lui aider. Et oui, d'ailleurs, c'est le cas. Et ça y est, hop, ça y est, ça a démarré. Et ben, tu vois, bon, ben. Bref, hey! Moi, je vais manger un peu. Je vais me détendre un peu. Et voilà, en gros, une petite journée. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Non, la côte avant Murat, oui. Juste avant l'air de repos, bien avant même. Oui. Les virages toc. Ici, là, aussi, c'est à peu près que je dis qu'on avait regardé le Tour de France en 2008 ou 2009. 2007 ? Non, c'était 2008. Je vois bien que c'était ça. On avait même monté en haut du sensi, regardez sur le... une table, là, je sais pas comment, et il y avait marqué les kilométrages, ou je sais pas comment, qu'on voyait ici, même le Mont Blanc, et là, vers où on va, là, tu vois, il y avait marqué tant de kilométrages, même le nom du... Tu vois, oui. Et d'ailleurs, le Mont Blanc, je crois bien qu'on le voyait rien que le bout. Ouais. Quand j'avais filmé jusque en zoomant, que je le voyais bien. Très bien. Ouais, bon, bref. Digital, et c'est pas de l'optique et c'est pas de télescope non plus. Donc, ouais, mais je le voyais. Voilà, bon. Allez, volcan d'oreille, allez, puits, allez, corps, ça, on va pas passer ce coup-ci par là, ni Clermont, ni la fontaine, ni du berger, le périlleux, non, comment entre les minutaires et quel appareil, non, le long du circuit Michelin, là. Il y a la voie de chemin de fer, il y a même la route, et hop, tu passes, et tu voyais le circuit, et oui, là, voilà, ouais, déjà, tu fais de la pub, mon petit, alors, hop, et par là, ah oui, partière, là, bah, ici, noir et terre, à côté de la voie de chemin de fer, c'est pareil, et il y avait même la rivière, et les sapins, là, et les grands sapins, oh. Sans regarder ça, et on aurait cru que c'était un peu comme au Canada. Et oui, je me suis dit, pour aller à Saint-Julien, qu'est-ce que c'est les 89 aussi, ça qui, je sais pas, parce qu'il y a l'autoroute, il y a ouais, Saint-Julien, Vénitieux, ça priait, c'est là, et Maximieux, et je sais plus quoi, enfin, bref, et Lyon, quoi. Je suis passé par là, je suis passé par là. Ou par. Ah oui, Aubusson là, enfin. Avant il y a eu la ville Neuve, la ville Telle, aussi, et il y a un autre circuit là-bas, et la voiture aussi, mais privée, on aurait dit. Il y a plein d'endroits, il y a plein de directions, plein de destinations. Si on pouvait s'envoler en toute tranquillité, tout un l'été, s'envoler loin. Je suis passé on pouvait s'envoler, passer par tout comme ça, au lieu de bouffer du carburant. Si on pouvait comme un indien, comme un hibou, c'est pas pareil quand on est fou. Comme un indien, comme un hibou, c'est pas pareil quand on bandoue. Clan contre clan, gens contre gens, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un pornographe et son dégoût. Comme un indien, comme un hibou, si je te suis comme taré comme un grand fou, comme un, je sais pas comment, un truc en ou quoi. Où iras-tu en étant fou comment me faire même un genou comme un indien, comme un hibou. C'est pas pareil quand on est fou. Et si sur ton cou les autres subissent leur jouissance absorbe de leur désir. Non, c'est même pas ça. Absurde leur désir. Non, c'est pas ça. Comme un indien, comme un hibou. Si sur ton corps, même là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Le foudre n'est plus la grâce dans le prestige, l'effet du vainqueur, comme un indien, comme un hibou, à moitié mort, à moitié sous, comme un indien, comme un hibou, avec le mal, avec le fou, avec le diable, et sans un sou, comme un indien, comme un hibou. Mais par dégoût, comme un indien, comme un hibou. Ouais, c'est n'importe quoi. Te souviens-tu de tous ces jours, aujourd'hui, de tous ces lieux, demain, de ces endroits, de tout ce que t'as vu, tout ce que t'as entendu, toutes ces odeurs, et puis le goût des fruits, la chaleur ou le froid, la sanction, la sensation de sa fraîcheur. Non, je ne m'aime pas ça, la sensation que ça faisait là ou bien là, et même d'être avec toi quand tu l'as lu, quand tu l'as entendu la première fois. Je sais, les souvenirs se déforment, les souvenirs changent, le souvenir même, leur compréhension parfois. Tu as dit ça au lieu de ça. Est-ce que t'as fait ci? Est-ce que t'as fait ça? Ou quoi? Où t'es allé? Où t'as vécu? Avec qui? Et pour qui? Tout ça, tout ça, tout ça disparaîtra avec toi. Je suis passé vers là, comme un hibou, comme un indien, à moitié fou. Et tout ça, toi, moi, nous, on disparaîtra. Du-du-du-du, comme un indien, comme un hibou, je suis passé par ici, par là.